les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le physique de ce metteur en scène, selon Philippe Noiret, monstrueux et très séduisant. Et selon Marcello Mastroianni, il ressemble à un grand petit garçon, ce qu'il doit être dans sa tête. Philippe Noiret, de nouveau. Il tourne avec nous comme s'il tournait avec des amateurs. Et ce n'était pas une critique adressée à leur metteur en scène, Marco Ferreri. Marco Ferreri, que l'équipe de l'émission de cinéma Clap Sur avait rencontré sur le tournage d'un film où les personnages allaient se tuer en mangeant. Et puis, presque à la fin de l'émission, Marco Ferreri confiait qu'il avait envie de réaliser un western. On connaît la suite, ce serait « Touche pas à la femme blanche », avec les mêmes comédiens que l'on entendra, interprétant ou commentant, « La grande bouffe ». Clap sur Marco Ferreri, première diffusion sur France Culture le 30 mai 1973. Mais moi, j'aime le cinéma, j'aime toujours le cinéma, j'ai pas en particulier. J'aime le cinéma, comme ça. J'ai pas un cinéaste particulier. J'aime voir des films. Mais pourquoi? Pourquoi je suis allé toujours au cinéma? Je fais pas beaucoup d'autres choses. Alors. Je me promène dans les rues et après je me vais au cinéma. Alors j'ai marré au cinéma. La cuisine, c'est la porte là. Oh mon Dieu. Il y avait une maison avec un jardin autour. Et puis, ça va ? Agrandi, parce que la cuisine était trop petite, celle de la maison. Hein ? C'était déjà une cuisine ? Non, non, il n'y avait rien là. Non, c'était un jardin. C'est l'axe du film, quoi, la cuisine. Mm-hmm. Parce qu'ils y font de la cuisine, mm-hmm. point d'en manger et d'en mourir. Je suis complètement perdu, où êtes-vous ? Il vient toujours de chez toi, le vin ? Bien. Bien sûr. Ah. Tu veux du boudin ? Non, merci. Où il y a le fromage ? Là. Tu veux pas de boudin ? Non. Non, mais personne ne veut mon boudin. Ah. Marcello ! Tu veux du boudin ? Marcello ! Les amis te réclament. Monsieur, permettez-moi de vous offrir un petit encas de bienvenue. Nous sommes réunis avec quelques amis pour un séminaire gastronomique. Permettez-moi de vous présenter un petit cadeau. Pierre Girard, Richard Rhin, Janine Chollet, Clap sur Marco Ferreri. Mes préoccupations pour moi, les plus profondes, sont les seules préoccupations à laquelle je ne peux répondre avec le cinéma, vous savez. Sono un peu désespéré, vous savez. D'un côté. Et j'ai honte aussi d'avoir des préoccupations de désespéré. Et de ne pas me décider à me suicider, vous savez. J'ai honte de beaucoup de choses. Mais mes préoccupations sont. Elles sont violentes, mais. Mais il ne sort pas, parce qu'ils ne sont pas dans les films, vraiment. Un farouche cochon sanglier, et à toutes les marinades les plus subtiles. Ça, c'est de la bonne viande. Deux superbes chevreuils, à l'œil doux, dont la chair a tous les parfums de la forêt des goûts. C'est du congelé, ça ? Et alors ? Quand il faut, je suis pour le progrès. Ça, c'est de la bonne viande. Ah oui, c'est un homme qui a des exigences très précises et Mais en même temps qu'il laisse beaucoup de choses dans le brouillard, il faut lui proposer pas mal de choses pour arriver à avoir l'impression de le servir, pour qu'il puisse faire son choix. Mais il a aussi des exigences très précises sur des détails. Donc il aime beaucoup les objets et il attache beaucoup d'importance au fonctionnement des appareils de cuisine, par exemple. C'est sur les détails qu'il est très, très, très, très précis. Autrement, sur le reste, je crois qu'il est un personnage suffisamment explicite. Autrement, tout le monde dit que je suis méchant avec les autres. Je pense qu'au contraire, je respecte beaucoup. J'aime beaucoup les gens. Je respecte pour les hommes, aussi que bien ou mauvais qu'ils sont. J'ai respect pour les hommes. Ça, je pense que c'est une chose qui sort dans les filles. Tu verras, comme c'est amusant de découper. Ah, 5 agneaux innocents de présalé du Mont-Saint-Michel. Un bon cuisinier peut faire ça, un c'est bon de la bonne viande. Bravo. Ah, toujours dans la frivolité, toi. Et nous, le gros du travail. To be! Are not to be! Ne sois pas vulgaire, Hugo. That is the question. Les gens qui lisent les histoires que je compte, ils disent, oh, ils comptent des histoires méchantes aussi. Moi, je pense que non. De toute façon, je pense que plus qu'à la base, dans moi, plus que des préoccupations, il y a un terrible sens d'impuissance, vous comprenez? Impuissance vers les choses qu'elle passe, que les choses qu'elle passe, vous savez. Et de quelle c'est inutile aussi parler, pourquoi tout le monde elle parle. Alors, je n'ai pas compris si ce sens d'impuissance est vrai, ou si ce n'est pas vrai, ou si c'est comme tout le monde, pourquoi. Maintenant, si je pense encore, par exemple, les derniers bombardements de Vietnam, moi, je ne suis pas. Je ne suis pas à vivre le Vietnam, ou je ne dis pas. Je dis pas. Je pense seulement à l'effet de qu'il arrive, il arrive à bombarder de la gente. Je pense l'effet. C'est absolu. Absolu désintérêt au faute de respect pour les hommes qu'il y a dans le monde, vous savez. C'est le même. Un bombardement, ou si un monsieur va un jour en jugement. Si vous parlez des bombardements, vous allez dans un hôpital, vous verrez un infirme, un monsieur qui était opéré. Ou vous allez dans un tribunal, vous verrez un monsieur qui était en train d'être jugé. Vous regardez que les autres, pour ces gens, ils n'ont aucun respect. Les gens, ils n'ont pas respect des autres, vous savez. C'est terrible. Et cet sens d'impuissance, qu'on ne peut rien faire, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. On ne peut faire rien. De 1958 à 1960, 3 films en Espagne, El Pizzito, Los Chicos, El Cochecito. 1961, un sketch dans Les femmes accusent. 63, Le lit conjugal. 64, La femme à barbe. 66, La marche nuptiale. 68, Break up. 70, Dillinger est mort. 71, Lisa. 72, L'audience. 73, La grande bouffe. Ça, c'est du cassoulet. C'est pour qui? C'est pour les artistes. Vous faites la cuisine pour tout le monde? Non, pas pour tout le monde, juste pour les séquences. Mais plus qu'un appétit de cinéma, c'est un appétit d'argent, vous savez, c'est pas la question de. Un appétit de cinéma. Je travaille et je cherche de faire le plus film possible. Alors, l'appétit, comment j'ai commencé à avoir appétit ou comme j'ai appétit après, non? Je suis accessoiriste. Qu'est-ce que c'est accessoiriste? S'occuper des accessoires, des meubles. En fonction de ce que le chef décorateur demande d'installer. Ici, non, c'est un peu spécial. Pourquoi ? Ben, rapport à toute cette cuisine et la grande bouffe. Voilà, c'est la première fois que je fais un film avec une cuisine aussi grande et tout ce qu'il y a dedans et tout ce qu'il y a à préparer. Faire la vaisselle le matin. La fête commence. Ça, c'est de la bonne viande. Moi, je suis Marco Ferreri. Et comme travail, j'ai fait le metteur, de cinéma, metteur en scène de cinéma. Je suis italien. J'ai étudié pour devenir vétérinaire. Et je suis devenu un monsieur qui compte des histoires avec le cinéma. Ferreri a commencé en Espagne, une espèce de... Michel Piccoli. De ghetto espagnol avec Ascona... Bardem, c'est là qu'il a tourné Cocestito, Ferreri, en Espagne. Il n'était pas connu en Italie. Et depuis 6 ans en Italie, on reconnaît ce qu'il est et ce qu'il apporte. Aussi bien les marchands que le public. En France, il est, encore faut bien dire, tout à fait ignoré. Parce qu'il y a une espèce de censure contre le film italien et en particulier contre un homme dangereux comme Ferreri. Dangereux, par exemple, le film qu'on a fait ensemble d'Ingeremo, qui était au cinéma une des premières démonstrations de ce qu'un homme peut renier pour retrouver autre chose. C'est une grande question, d'ailleurs, il n'y a pas de solution. Et les exploitants sont refusés à ce que le film sorte dans les cinémas. Alors on a trouvé un petit cinéma au quartier latin qui quelques personnes ont pu le voir. Lisa, c'est la même chose. J'ai commencé à diriger d'une façon étrange parce que je faisais la production. Après, j'ai vendu des objectifs pour la caméra en Espagne. Alors, j'ai lu un livre, un bouquin qui s'appelait El Pisito. J'ai cherché, j'ai parlé avec Berlanga, avec Bardem pour voir s'ils voulaient faire le film. Après, il n'y avait personne, j'ai fait le film pour moi. Et comme ça, j'ai commencé à faire le metteur en scène. Ma femme l'a connu il y a 20 ans à Saint-Germain-des-Prés, à la Rose Rouge. Il n'était absolument pas connu, c'était un personnage silencieux, complètement muet, qui restait assis, qui ne parlait pas. Il était sûrement malade de la parole, malade de vivre. Et puis il s'est révélé à lui-même avec une inquiétude morale et physique devant la mort, mais de plus en plus il se réjouit de vivre. J'ai travaillé pour vivre, et alors, c'est mon travail. J'ai pas de raison pour savoir s'il y a un autre travail que je peux aimer plus ou que c'est mieux pour moi, parce que j'ai fait seulement ça. Alors, je peux pas savoir s'il y a d'autres travaux. Moi, je suis second assistant stagiaire. Ça consiste en quoi ? Vous m'interviewez, là ? Oui, c'est en fait l'émission sur le tournage. Ah ben, ça consiste à participer à la mise en scène et à aider, faire tout ce qu'on peut essayer de faire. En aidant les gens qui ont quelque chose de plus précis que moi à faire. Tasse de chocolat. Vers 11h, ouvre l'appétit pour le dîner. Qui a écrit ça? Bria Savarin. Ma vaffanculo, c'est tout. C'est tout. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là? De l'oignon bourguignon. Oui. C'est pour moi. Merde, alors, c'est toujours comme ça. Il est très beau, ce thème. Très sexuel. baguette. Pardon. Quand j'ai envie de faire un film, j'ai cherché le producteur pour faire le film. Après, alors, j'ai dit, si je trouve le producteur, je fais le film. Si je ne trouve pas le producteur, je ne fais pas le film. Peut-être que je cherche un producteur aussi seulement sur un titre, vous comprenez. Je cherche un producteur sur un titre, sur un slogan pour vendre un produit, vous savez. Après, peut-être que j'ai le titre et je n'ai pas le film, vous savez. C'est pas... Après, je pense à le film. Je suis le régisseur adjoint. Oui, alors pourquoi on a la cuisine? Parce qu'après, nous allons tourner là. Alors attendez, je vais aller en parler avec le premier assistant. Là. Moi, je suis Alexandre Astruc, mais je fais pas ce film, c'est Ferreil. Parce que je veux voir Michel Piccoli pour les affinités électives. Quand j'ai trouvé un producteur qui dit oui, qu'il est d'accord, ou sur un titre, je cherche des... rassembler, de réunir toutes les idées qui sont dans ma tête sur l'histoire que je veux raconter. Et après ça, c'est le premier moment de chercher la chasse de les idées qui sont un peu emmagasinées dans les années avant d'arriver à un film. C'est pas que l'idée il sorte. Pourquoi il y a déjà des matériels entasés dans la tête, vous comprenez? C'est pas qu'il sorte une idée, après viene le matériel. Avant, il y a des images, il y a dans la tête, après il arrive l'idée. Alors j'ai fait un travail pour reconstruire et pour repenser à toute cette idée. Après, je passe à l'écriture de cette idée. J'ai passé à l'écriture toujours, presque toujours, avec mon ami Ascona, Raphaël Ascona, qui est l'écrivain avec qui j'ai commencé. Mais je passe toujours à une écriture toujours plus provisoire, vous comprenez? Pourquoi je pense que maintenant que les films. On le fait beaucoup sur les tournages, vous comprenez? Tout ce qu'on pense avant, ok, et qu'on écrit avant, c'est très mécanique et très. Pour moi, vous comprenez? Et très. Silence! Prova di zoom! C'est bien. C'est bien les mecs du cinéma, ils sont en train de chanter, il n'a rien dit trop de mal de tes assistants. Prova di zoom! Je suis ton metteur en scène. Posso provare lo zoom? Yes, sir. Bene. Azione! Allegra. No, di allegria che ti viene bene. Guarda. Sì. Poi chi vuol capire, capisce, chi non vuol capire, fa un po'. On torna. Aspetta, prima all'azione, resta un po' lì. Mario, quel lume non è che dà fastidio. Sono pettinato bene. Benissimo. Pronti? Posso? Motore. On bouge pas sur le placo. Ah non, s'il vous plaît. 48,2 premières. Tous les hommes des cinémas italiens sont des gens qui viennent de... Ils sont été assistants, ils sont été scénaristes, ils sont été... Moi, j'ai commencé mes expériences de cinéma hors du cinéma, pratiquement. J'ai pas fait des assistants, j'ai pas fait des scénarios avec les autres, vous comprenez. J'ai fait toujours les scénarios pour moi, c'est difficile. Je suis un peu hors de tous les courants, de tous les impostations du cinéma italien, pour moi. Non. Oh! Je sais pas qui vous êtes, d'où vous venez, mais vous me plaisez, vous. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Je me suis décidé à accepter l'invitation. Très aimable à vous. Vous serez en très bonne compagnie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Entrez. Bonsoir. Et il est vraiment, comment on peut dire, isolé, non, comment on dit. Ugo Tognazzi. Il est à part. Il y a en Italie seulement deux, trois, pour moi, metteurs en scène, avec un monde particulier, c'est Fellini, peut-être Antonioni, Pasolini et Marco Ferreri. Tous les autres sont peut-être des grands metteurs en scène, mais plus pour la technique, non, plus pour une certaine manière de regarder une réalité d'aujourd'hui, et on peut dire Rosi, Petri, Montaldo, Damiani. Il y a un grand metteur en scène, mais pour le grand décor, c'est Visconti. Mais Marco, c'est une chose vraiment à part. Si on va le mettre à côté d'un autre metteur en scène, on peut le mettre, pour moi, à côté de Pasolini. C'est complètement une autre chose. Mais on peut le mettre à côté pour une certaine manière de tourner. J'ai tourné aussi avec Pasolini. Et aussi, Pasolini, il y a une technique très simple, naïf, comme on peut dire, non? Ben, je suis Jean-Pierre Rue, l'opérateur du son du film. C'est le premier film que je fais avec Marco Ferreri. Ce qu'il est en train de mettre en scène, c'est extraordinaire à tous les points de vue, par surtout au départ sa technicité et l'ampleur du sujet qui est assez costaud du fait que c'est quatre personnages qui ont décidé de se suicider en bouffant. Et les personnages, c'est Mastroianni, Piccoli, Noiret et Ugo Tognazzi, qui sont vraiment tout à fait dans le coup et qui vraiment bouffent véritablement. Qu'est-ce que c'est? Bravo, Marcello! Bravo! Hein? C'est très beau, c'est un peu mélancolique, Lionne! Non, elle trouve ça affreux. L'idéal, ce serait pouvoir continuer à manger comme ça indéfiniment. Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, ça serait magnifique. À toi la caille, à moi le coquelet. Et c'est la première fois là qu'on fait un film. Piccoli. Et lui volontairement aussi, on veut, sans cachotterie, rentrer dans le système, faire un film. On veut sortir à la grande bouffe, à l'ambassade, comme si c'était... la grande vadrouille, avec des vedettes et de la fesse, et puis voilà. On sait 600 millions anciens. C'est beaucoup d'argent pour un film qui n'est pas immédiatement exploitable. Parce que le sujet prête à inquiétude. Où c'est un film où les décors et ce qui se passe est complètement fantastique. C'est-à-dire que nous bouffons, mais nous faisons dire des camions de chevreuils, des camions de bêtes dépecées entières, des camions de légumes. Tout ça pour quatre individus. Il faut bien ça pour mourir. J'ai pas de problème pour les comédiens. Mais moi, je pense surtout que les comédiens sont des amis. Et alors, non, je pense. Mes comédiens sont mes amis. Alors, toujours, je travaille très mal en froid avec un comédien que je ne connais pas. Pourquoi? Je pense toujours le personnage, déjà avec les défauts, je ne dis pas la façon de vivre, mais avec les tempes et les rythmes de les amis comédiens, vous comprenez? Alors, quand ils jouent presque des choses qu'il joue toujours dans la vie, vous comprenez? Alors, je ne veux pas les obliger à entrer dans un personnage. Je préfère mettre dans mes personnages toutes les choses que je regarde comme un voyeur. Je regarde un peu, je les regarde beaucoup. Alors, j'utilise toutes les choses qu'ils font avant. Et avec moi, ils pensent aussi qu'ils sont... que c'est une vacance ou qu'ils récitent, ou qu'ils sont pas en train de jouer du cinéma, vous comprenez peut-être qu'ils pensent. Pour ça qu'il y a des acteurs. Comme Tognazzi, qu'ils pensent d'avoir deux mois de vacances, ils savent pas ni quel est le film qu'ils y tournent, et que. Peut-être qu'il a pas lu le scénario, vous savez. Il vient et tu dois manger, il mange, tu dois faire ça, tu fais. Ils sont des vieux, j'ai travaillé beaucoup des années, et toujours, s'il y a de faire un gros visage, j'ai dit, tu t'appelles le jour que tu dois faire pipi dans l'épisode, dans le professeur, alors tu fais le même visage. Alors lui, il pousse, alors il sort un visage tragique, tu sais, mais ça. On joue comme ça un peu, en amitié. J'ai fait déjà 8 films avec Ferri. Tognazzi. Toutes les fois qu'il fait un film, il m'appelle et je suis très heureuse de travailler avec lui parce que je me trouve beaucoup à l'aise avec Marco. Nous sommes très amis, on se comprend très très très bien. Et enfin parce que je pense qu'il fait vraiment du cinéma, comme si peut dire, ferreriano, un cinéma différent. Et alors quand j'ai la possibilité de travailler avec lui, je me sens dans un autre milieu. Dans le film avec Marco Ferreri, on sort vraiment l'essence de humain de le personnage. Il n'y a pas de scénario vraiment fixé. Et il va inventer des choses tous les fois. Et c'est une jeune qui m'amuse beaucoup parce que j'ai commencé mon travail un peu comme ça, en travaillant pour des improvisations. Demande si c'è. Non, un truc normal. Dice que. Pardon, il dit que. Il fait toujours des maquillages très, très normaux. Me demande si c'è des cose speciali per la luce. Il dit qu'il n'y a rien de spécial pour la lumière. C'est très déroutant au début. Parce qu'on a l'impression qu'on ne sait pas où on va, puis finalement on sait très bien. Et on est complètement dérouté, puis ça se passe très bien. Je trouve que c'est un metteur en scène qui a son monde à lui. Philippe Noiret. Et sa vision du monde, qui n'est pas forcément la mienne, je veux dire en tout, mais que je trouve extrêmement personnelle. Et que c'est un homme qui arrive à donner cette image que moi j'ai reçue, donc je suppose que je ne suis pas le seul, d'une façon absolument pas didactique, absolument pas démonstratrice. Apparemment, il n'y a pas de direction d'acteur, en sens que. Et avec cette façon de recréer chaque scène, si vous aviez des préjugés ou des choses que vous aviez essayé de bâtir, elles sont. Battu en brèche par le fait qu'on arrive le matin, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai vu la façon dont ça se passait les premiers, deuxièmes jours. J'ai dit, bon, j'ai laissé mon scénario là. Et puis, j'arrive le matin absolument frais et dispo. Et j'attends que ça se passe et j'attends qu'on me dise ce que je vais faire. C'est-à-dire qu'il tourne un peu avec nous comme s'il tournait avec des amateurs, si vous voulez. Phénomène, le sable, la plage, le ski, l'amour, le travail, ton lit, épiphénomène, comme dit l'Ecclésiaste, vanitas, vanitatis. Mange ma fille, et mange alors. Mange. C'est drôle, j'ai jamais connu de juge. Ça doit être épatant de faire régner la justice. Il s'agit surtout d'appliquer la loi. C'est souvent une chose différente. Tu sais que c'est beau ce que tu viens de dire. J'ai l'impression d'être tous les deux tout seuls. Un petit coin de campagne. Je suis consul en Costa Rica. qui vont se tuer en mangeant. Alors, il faut trouver ce qu'il faut. Aujourd'hui, il y a un cassoulet toulousain. Voilà. Après, l'autre jour, il y avait un porcelet. Et encore, il y avait... Il faut toujours faire beaucoup de choses. Et là, nous avons de l'angouste des homards. Mais le climat, je dirais que c'est la première chose qu'il y a avec Ferreri. Marcello Mastroianni. Climat, une atmosphère, je ne sais pas si vous avez assisté, oui, ce matin, en reprise, vous voyez que les acteurs sont libres, ils s'amusent, ils font des blagues, et tout ça est très apprécié et aimé par Ferreri, qui aime que les acteurs soient complètement, relaxés, et parce que dans cette sorte d'amusement, quelque chose, l'acteur sort de lui-même. Je ne vais pas dire qu'il joue mieux que quelqu'un d'autre, mais il se libère, il s'ouvre, et là, lui, il profite pour capturer peut-être un moment, une expression, une réplique. Il vous donne simplement une indication d'ordre très général, et puis vous devez résoudre. Mais à ça, lui, il arrive facilement parce qu'il est capable de créer cette ambiance, cette atmosphère qui nous laisse parfaitement à l'aise et qui nous permette, plutôt que de jouer, d'être nous-mêmes, si vous voulez. Voilà, en exagérant un petit peu, mais c'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle on se sent bien avec lui, parce qu'on est soi-même. Je dois raconter une histoire. J'ai dit, j'ai fait ce travail, je dois raconter des histoires. Et plus que des thèmes, je raconte des histoires que je sais dire. Vous savez, ce n'est pas des thèmes qui me préoccupent. Il faut dire que peut-être à la fin, maintenant j'ai vu le film, j'ai terminé le montage. Et j'ai dit, bon, alors, on est toujours à la même situation que les autres films, vous comprenez. Moi aussi, quand j'ai terminé le film, je vois qu'il y a toujours des constantes. Mais je ne sais pas quand je commence à faire un film. Qu'est-ce qui va sortir, vous savez. Après la film, à la fin, il sort chargé dans la même direction. Mais c'est... Je ne veux pas dire que c'est inconsciente, mais c'est... C'est comme ça, il sort, c'est dire les histoires avec une cadence, avec un rythme, avec une façon... presque toujours, l'agent, il meurt. Vous savez, quand il meurt, l'agent, dans un film, c'est toujours un moment de la vie qui ne change pas beaucoup, vous comprenez. Sûrement, il y a des préoccupations qui sont... J'ai connu les histoires de messieurs, des gens qui sont comme moi, comme vous, comme les autres, vous comprenez, je pense... Mais il y a... Mastroianni. Disons, la critique qu'il a prise beaucoup. Il y a un public évidemment plus raffiné qui aime ce cinéma un petit peu plus difficile qui engage plus que des autres, qu'un autre cinéma. Il y a des gens qui sont curieux, qui voudraient comprendre, qui voudraient découvrir et que probablement ils n'arrivent pas. Et qui souvent déteste même Ferreri, parce que Ferreri il donne l'impression d'être désagréable avec le grand public. Mais, dans la mesure peut-être que ces films sont plutôt avancés, et donc il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à les interpréter, à les comprendre. Tiens, mange. Je ne sais pas si je vais trouver un nécessaire de culture. Hugo, je t'en prie. On fait une petite pause et puis on va s'amuser un petit peu tous les deux là-haut. Non. Hein? Nous avons beaucoup de temps. Après, mange. On fait que manger. Tiens. C'est pas un travail fait à la table, un peu mathématique ou géométrique. C'est un travail plus sur des impressions, sur des images. Alors c'est à la fin que vous regardez qu'est-ce qu'il a sorti. Mais pendant le travail, c'est difficile de voir qu'est-ce qu'il sort. Alors, on va faire une chose, vous allez nous filmer, vous allez rester toujours derrière la caméra. Hein. Oh, ben, vous avez l'habitude. Qui je suis sur ce film? Oui. Le stagiaire régie. Il y a le numéro de séquence. Le numéro de séquence et puis il y a le numéro de prise. Alors comme ça, ils servent pour faire le montage du film. Comment ça marche? Là, lorsque vous annoncez le numéro, donc vous l'avez ouvert, vous fermez et vous rouvrez, c'est ce qui fait la rayure sur la pellicule pour pouvoir se guider pour leur paire de montage, pour les monteuses. J'ai compris comment on doit faire les affaires pour monter un film. Alors, je sais comment monter les films et généralement... Oui, c'est une technique, comme vendre, vendre les choses, c'est une technique aussi, c'est pour faire un film, c'est monter un film, c'est une technique. Allez, on mange. Allez, à table! À table, on mange! Allez, à table! Accompagné des plats d'ornement avec pain grillé, et couche de caviar d'esturgeon. Le bord du plat est en garni de poules d'olive, de tranches de citron et de cèdre et de sucre. Entremets. Quatre plates de figues sèches frites, des quartiers d'orange et saupoudrées de sucre. On a projeté plusieurs films ensemble que puis on n'a jamais réalisé. Mastroianni. Mais deux, on les a fait, oui, ensemble. Je sais pas, parce que probablement les producteurs, là je pourrais pas me répéter, ou répéter ce qu'on dit toujours, les acteurs, les metteurs en scène, les producteurs, c'était difficile de convaincre à faire un genre de cinéma qui soit un petit peu en dehors de la normalité, si vous voulez. La normalité, je veux dire, un genre de cinéma qui peut assurer aux producteurs, avant qu'on d'être fait, de l'argent, un succès économique. Mais ça... C'est en tout cas toujours difficile à assurer. Si puis vous présentez un projet de film qui soit un petit peu, si vous voulez, plus original, qui soit un petit peu un tentatif de raconter plus modernement une histoire ou d'exposer un problème, généralement les producteurs ne sont pas tellement d'accord. C'est spécial, moi c'est la première fois que je tourne avec une équipe italienne, c'est-à-dire que c'est très volubile, il y a beaucoup de paroles, beaucoup de gestes, beaucoup d'actes, mais que, en fin de compte, c'est très efficace et que Marco est un personnage très impressionnant sur un plateau parce que, de par ses coups de gueule, de par ça, ça remet les choses en place très très vite et... C'est pas une très très grosse équipe, ils sont combien, 3 à l'image. Nous, on est 3 aussi au son. Il y a un accessoiriste, une script. Non, c'est une équipe tout à fait normale. Il n'y a pas... Combien ils sont ? 1, 2... Il y a un assistant italien, 2 assistants français, et puis quelques stagiaires. Il doit y avoir 2 stagiaires. Un à la régie, un à la mise en scène. Qu'est-ce qu'il a compris ? La grillade. C'est bien. Pronto. La grillade. Meno fuoco, abbassa. No, sennò sdoppia tutto, nel campo lungo non c'era. Silenzi, couple. Così va bene? Sì, così va bene. Pronti, motore. Pourquoi il n'y a pas de farce dans la dinde? Hugo, pourquoi tu n'as pas mis de farce? C'est bête, c'est triste. Il faut appeler les choses par leur nom, mon cher Philippe. C'est sinistre comme ça. C'est sec. Donne-moi ça. C'est sans esprit. Et tu as des autres choses. Il y a du purée, de crème de pomme, de marron. Et la farce. La vie, c'est une farce. Moi, j'aime beaucoup la quantité et j'aime beaucoup les pommes de terre, j'aime beaucoup la pâte. J'aime beaucoup manger beaucoup. Bouger la bouche. Mettre beaucoup de choses dans l'estomac. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire à me manger, je ne sais pas. La grande bouffe, en fait, un aspect spectaculaire qui arrive tout de suite au grand public, c'est la bouffe. Mastroianni. Donc là, les gens, plus facilement, ils se reconnaissent peut-être, ils vont se reconnaître. Parce que bouffer, c'est un plaisir qu'on mène à beaucoup de gens, presque à tous. Si puis, là, ils arriveront à comprendre les raisons plus profondes, même dramatiques, de cet plaisir de se détruire à travers la bouffe, là, je sais pas, je vais pas vous le dire. Je crois. La purée de marron, c'est un de mes vices. C'est un vice solitaire, parce que moi, je déteste ça. En revanche, la compote de pommes, j'adore, parce que c'est très sucré. Je vous confesse que moi j'adore manger, mais c'est vrai avec une brutalité qui peut laisser un petit peu perplexe. On a en français, oui, j'ai bien traduit, perplexe les gens. Parce que j'ai observé que si je vais à dîner avec quelqu'un, des gens qui ne me connaissent pas, ils me regardent toujours comme quelqu'un, mais je le dis, puis je l'admets, je le confesse. Oui, je mange vite et avec beaucoup d'avidité, parce que j'ai toujours peur. Voilà, les Allemands, ils arrivent vite, avant qu'on ne bouffe plus. Et je ne sais pas si ça m'est resté pour des raisons, parce que pendant la guerre, mais là, ça devient lourd de l'histoire. Aussi parce que, à travers la bouffe, c'est pas pour faire la publicité au film, mais sincèrement, moi je ne cherche pas de remplir quelques vides, ou un grand vide peut-être, que j'ai dans ma nature, des limites, voilà. Alors la bouffe, le soir, bien bouffer, bien boire, on a une sorte d'étourdissement, une sorte de drogue devient presque, non? Et comme ça tout devient léger, vous oubliez, vous arrivez au lit comme un petit peu comme un cheval, et voilà, et vous dormez. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Tentez de donner un équilibre à votre âme en remplant l'estomac. Chose évidemment contradictoire, mais qui ça peut être le signe d'une limite, d'une certaine... quelque chose que vous n'aimez pas... voir clair de vous-même, parce que vous savez très bien que vous ne l'apprécierez pas. Donc, alors, bouffons. Bouffons parce que puis là, on se sent content, puis. Et c'est une façon, au fond, c'est un lent suicide, non? C'est pas de ta faute. Vous n'avez rien compris. On ne peut pas mourir en mangeant. Je m'en vais. Moi, je n'ai pas de difficulté à vivre. Pourquoi? Si je dois dire que je n'ai pas de difficulté, pourquoi? Je suis fort. Vous savez, je n'ai pas de difficulté à vivre. Je suis monsieur fort. Alors, je n'ai aucune difficulté à vivre. Je suis seulement... J'ai honte aussi de ça, d'avoir pas aucune difficulté à vivre. Il arrive des moments, qui sont des moments qui, avec, dans les... qu'il y a des situations ou des moments qui sont terribles, vous comprenez, qui sont terribles, qui après il me reste beaucoup, que je cherche et qu'il me revienne. Merde! Marcello! Qu'est-ce que t'es blessé? Je suis un merde! Quelle horreur! C'est une inondation! Allez-vous! Faire-vous! Tous! La mer! Mais quelle horreur! Hugo! Hugo! Vous venez m'aider! C'est la catastrophe! C'est l'horreur! C'est l'immondice! C'est épouvantable! C'est monstrueux! Ne me laissez pas seul! Et nous tous, de la même génération, on se demande s'il ne faut pas abandonner pour recréer autre chose. Piccoli. C'est mondial, ça ne nous est pas propre à nous, ça. De toutes les générations, d'ailleurs, maintenant. Sauf l'enfance, puisque maintenant on parle de génération, de jeunesse et d'adultes, mais on ne parle pas de l'enfance. On a tous de plus en plus besoin, ou on a la panique parce qu'on devient solitaire à cause de ce qui se passe dans le monde, ou on recherche au contraire la communauté avec beaucoup de personnes. Ferry et moi, nous vivons en solitaire tous les deux, ensemble. Quand vous me demandez quelles sont votre préoccupation, j'ai toujours envie de dire rien. Et c'est mieux de rien. Pourquoi? Je pense aussi que toujours on revient à la question de pouvoir et d'argent. Un monsieur qui arrive à avoir de l'argent, et c'est pourquoi il sait vivre. Il est fait pour vivre dans le monde dans lequel il vit. Alors c'est inutile après avoir des désespoirs, avoir des préoccupations, vous savez pourquoi. Garder une certaine position de dignité, si possible, c'est déjà très difficile. Mastroianni. Parce que moi aussi j'ai fait des conneries dans mon métier. Surtout quand on doit se payer les piscines, les maisons, la campagne, la mer. Donc, déjà garder cette position de se sauver la gueule, le visage, oui, la dignité, c'est déjà pas mal. Parce qu'on a peur, à partir d'un certain âge, de vieillir sans se rendre compte. Je veux dire vieillir spirituellement, hein, laisser tomber le reste. Je ne sais pas de quel côté et quelle efficacité peut avoir parler des préoccupations et aussi avoir des préoccupations existentielles. Il n'y a pas. Seulement qu'à la fin, monsieur, il y a toujours ce sentiment d'impuissance, que c'est très fort, mais que. Avec et contre quel on ne fait rien. Lui, réalisateur, et moi, comédien. Piccoli. C'est un travail de on continue à vivre ensemble et à travailler ensemble pour s'aider à vivre. Quand on vieillit. Alors là, c'est un petit peu l'inquiétude, la peur d'être resté en arrière et de croire d'être moderne quand on est complètement old fashion. Ils sont passés des années. Après, avec les années, je pense qu'on perd beaucoup la mémoire de quand vous êtes jeune. Ça, c'est bien, ça. C'est juste, on perd beaucoup la mémoire de la jeunesse ou des temps qui est passé. Je ne m'appelle plus comme j'étais, ce sont des années. Je pense que c'est mauvais vieillir, pour ça que c'est bien de ne pas avoir la mémoire de la jeunesse. C'est mieux vieillir sans se rappeler qu'est-ce qu'il était la jeunesse. Joue bien Marcello. Presque aussi bien que Michel. Faire un western. Western. J'ai vu cette idée, je vais faire un western. Aux Halles, si on laisse faire un western à aux Halles. Rue Saint-Denis pour là. Square des Innocents là-bas. une tellement grande tendresse pour la personne qui est à côté, et en même temps une inquiétude et une révolte contre les agissements de cette personne qui vit à côté de nous. C'est clair ça, non? Non? Quand on ne parle pas d'argent, d'avoir ou de prendre de l'argent, de travailler ou de devoir donner un travail ou de faire un travail, ou d'être malade, ça sont les choses terribles. Faire une interview, non, vous comprenez, c'est pas... On ne doit pas dramatiser. Vous avez votre défense, moi j'ai mes défenses. Nous avons toutes des défenses très claires. À la fin, il ne sort rien de qui est un monsieur, de qui c'est vous, de qui c'est moi, tout ça, pourquoi ça? Ça, c'est dans les jeux de la société. Et vous le faites pour la radio. La radio l'écoute. Il y a des propriétaires de la radio. Moi, je suis propriétaire d'une petite industrie qui s'appelle Marco Ferreri. Et vous savez, vous aussi. Chacun se doit défendre son travail. Deuxième. Non, parce que. Pardon. Attends. Non, c'était, pas. C'était plus comme ça. Non, mais c'est ça qui Marco. C'est pour ça que Marco veut le refaire. Physiquement, il est monstrueux et complètement séduisant en même temps. Alors. Il ressemble à un grand petit monsieur, garçon. Et dans sa tête, il doit être comme il est physiquement. Tu peux proposer, il te dit monsieur, oui ou bien non. La fête commence. Quatrième. Cette sens est vraiment monsieur, la fête commence. De pouvoir rien faire, vous savez, c'est ça. Merci. Attends, il y a un truc à faire dans le garage. Mastroianni, il a tourné trois films avec lui, moi, oui. J'ai dit, Piccoli, c'est déjà le troisième film qu'il fait. C'est fermé maintenant. Ferreri. Rien faire contre le système, rien faire à vous, contre tout ça, vous savez. Mais tu sais, c'est des retards qu'on prend. On doit retourner avec lui. Des retards qu'on prend sans seul tout ça. Oui, c'est génial. Il va être derrière. Il va être à l'intérieur. C'est pas. Vous avez 2 minutes. Clap sur Marco Ferreri, extrait du film La Grande Bouffe, avec la participation de Michel Piccoli, Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, Ugo Tognazzi. Voix Claire Viret, prise de son Jean-Paul Beaujolais, mixage Raymond Anna, production Pierre Girard, Richard Rhin, réalisation Janine Cholet. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 mai 1973. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.